Une pluie d'été au tout petit matin, et dans la ville vieille où l'on est déjà demain, un jour a commencé et je me sens perdu. Que tu aurais déjà trop vu, dont tes grands yeux d'enfant ne voudraient plus. Moi, et l'amour est là, et l'amour s'en va. Tu pars avec lui, il meurt avec toi. On a beau prier, on a beau crier, l'amour nous oublie, comment l'oublier. Ça ne sert à rien de s'user le cœur, à chercher la main qui se tend ailleurs. Te tenir bien haut, la tête hors de l'eau, quand on est déjà si loin du bateau. Et l'amour est là, et l'amour s'en va comme un ouragan qu'on n'arrête pas, comme un cheval fou qui court n'importe où, catinant le temps, se foutant de tout. On l'a dépassé, le vol des oiseaux, on s'est écrasé le cœur en morceaux. Dans la ronde folle des jours qui s'envolent, l'amour était là et l'amour s'en va. Et dans la ville vieille, qui en a tant vu passer, un monde indifférent fait semblant d'exister. Mais je sais bien qu'il ment, depuis que tu l'as décidé. Il s'est brisé, la vie s'est arrêtée. Et l'amour est là, et l'amour s'en va. Tu pars avec lui, il meurt avec moi. On a beau prier, on a beau crier, l'amour nous oublie, comment l'oublier. Ça ne sert à rien de s'user le cœur, à chercher la main qui se tend ailleurs. De tenir bien haut, la tête hors de l'eau, quand on est déjà si loin du bateau. Et l'amour est là, et l'amour s'en va comme un ouragan qu'on n'arrête pas, comme un cheval fou qui court n'importe où, cartinant le temps, souffrant de tout. On l'a dépassé, le vol des oiseaux, on s'est écrasé le cœur en morceaux. Dans la ronde folle des jours qui s'envolent, l'amour était là, et l'amour s'en va, et l'amour s'en va.